ici Philippe. Et ici Pierre. Bienvenue à l'émission Pacific Coast. Aujourd'hui, nous allons interviewer les Beach Boys qui viennent juste de faire leur nouveau film appelé Beach Boys. Bonjour les Beach Boys. Beach Boys. Ouais. Bon, alors, c'est comment qui s'appelle votre nouveau film encore? Beach Boys. Ok. C'est quel rôle que vous jouez dans le film? Beach Boys. C'est quoi vos prénoms encore? Beach Boys. À quelle part, est-ce que vous pouvez parler à des vrais mots maintenant? C'est quel âge que vous aviez dans le film? Beach Boys. C'est pas un âge, ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, comme, parler normalement parce que sinon il faudra vous faire sortir d'ici? Beach Boys. Qu'on les fasse sortir, s'il vous plaît. Beach Boys. Faites-les sortir! Non, mais on peut parler en français, nous, on peut parler! Merci. Alors, c'était une complète... genre interview avec les Beach Boys. Qui a failli. On n'a pas prévu quoi faire. Oh non, on n'avait pas prévu quoi faire, c'est les Beach Boys. Ben, à chaque émission, on dit un truc écologique. Fait que... on peut en dire un cette fois-ci. Quel truc écologique tu connais, toi? Ben, je connais cela d'éteindre les lumières, peut-être? Oui! C'est, de toute façon, c'est tellement bien d'avoir des trucs écologiques pour rendre notre terre meilleure et empêcher que ça devienne une planète extraterrestre et que les extraterrestres viennent l'envahir après. Ouais, c'est ça, comme si les extraterrestres existaient, bonne blague. Ils existent. Non, ils existent pas. Oui, il existe. Qu'est-ce que tu parles? Non, il existe pas. Sérieusement, tu penses qu'on est la seule planète avec des choses, des êtres vivants dessus? C'est quoi ton problème? Dieu a juste créé la Terre. C'est quoi ton problème? Y'a pas d'autres planètes dans le système solaire, coudon! C'est quoi ton problème? Les extraterrestres, ça existe pas! Espèce de pauvre! Arrêtez de vous battre! On est en train de faire une émission de radio! On est en direct de la plage de... Non, c'est quand même pas juste. Oh, mon œil. Bon. On pourrait peut-être dire des blagues. J'en connais une à propos du tombeau qui tata. C'était... un monsieur qui était pour mourir, puis après ça, il y a un autre monsieur qui arrive, puis là, il demande, ça vous dérange de vous faire enterrer dans un cimetière protestant? Puis là, l'autre, il répond, plutôt mourir. Ça me fait penser à une blague que j'ai entendue il y a pas longtemps. Et c'est un monsieur qui demande à un autre monsieur, combien de patients le nouveau médecin a-t-il déjà eu? 3, non? Puis l'autre monsieur répond, non, 4, je le sais parce que j'ai assisté aux 4 enterrements. Bon. Ça me fait penser à une autre blague que ça n'a pas rapport pour tout. C'était, quelle couleur est le cheval blanc de Napoléon? Blanc? Non, brun, parce qu'il est tombé dans la boîte. Ça me fait penser à une autre blague. Quelle est la couleur de l'assiette bleue de Marlène? Bleu? Non, mauve parce qu'il y a du ketchup rouge dedans. C'est vraiment pas drôle. Bon, on passe à quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis pas supposé parler, moi. Mais t'as déjà parlé, alors trop tard. Comment ça parle? Dis-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez raconter une histoire à fur et à mesure. Bonne idée! Il était une fois... un monsieur... qui était un chef d'armée. Puis il est sorti dehors comme à tous les matins. pour prendre sa marche de la matinée. Avec son café dans les mains, brûlant. Puis là, tout à coup, il y a un oiseau qui est foncé dans une fenêtre. Ça n'a pas rapport, ça, Philippe, coudon! Ben, c'est... Continuez juste, monsieur. Ah! Puis là, ben, il y a un petit garçon qui a 15 ans à peu près, petit, qui arrive vers lui en courant. Puis là, il lui dit qu'il y a un groupe de rock qui est en train d'ensorceler tout le monde. Puis là, lui, il dit comment? Puis là, il dit que c'est à cause de... Que c'est à cause d'une poudre qu'il leur met sur la tête, puis là, ça les fait comme des zombies. Quand ça rentre dans leurs oreilles. Ouais. Puis là, le monsieur, il demande comment il sait ça. Puis là, lui dit que c'est à cause de ça au concert. Puis là, il dit comment il est fait pour résister. C'est à cause qu'il avait des écouteurs dans les oreilles. À cause qu'il trouvait ça trop plate, là. C'est... Ok, fait que là, après ça, ben, là, lui appelle les polices pour qu'il vienne à la nuit. Fait que là, il arrive à la place avec des écouteurs dans leurs oreilles. Puis là, tout à coup, la musique commence à jouer. Puis là, les polices sont tellement folles qu'ils enlèvent leur écouteurs pour écouter la musique. Ouais, puis là, ils deviennent tous fous comme toutes les autres personnes qui sont là. Fait que là, le chef de militaire, il décide d'appeler toute l'armée américaine. Fait que là, y a le guitariste du groupe, il voit ça. Fait que là, il décide d'appeler toutes ces millions de fans qui ont été changés en zombies. Ouais. Fait que là, toute l'armée américaine, puis toutes les fans, ils commencent... Oh, c'est beaucoup ça, l'armée américaine, j'avais même pas rien dit. En tout cas, ils commencent à faire une bataille. Puis là... De l'armée américaine, gang. Ouais. Fait que là, il arrête les personnes. Puis là, ben... Ça finit de même. Puis, oh, crotte-nous, tes soirs, es-tu pas bonne? Si, y en a pas de sens, l'oiseau, là. Ça, c'est ta faute. En tout cas, bon. Fait que là, après ça, c'est la fin de l'histoire. Étais-tu assez longue, monsieur? Je sais pas, moi, ça fait comme... Je sais pas combien de temps que votre émission est en train de rouler, alors dépêchez-vous! On pourrait réessayer une interview avec les Beach Boys? Ils sont peut-être un peu trop fous pour ça. Les Beach Girls? Non. Ah, oh, regarde dehors! On voit les Beach Boys, là! Oh, wow. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah! Ok, je préfère pas regarder. Beach Boys, venez ici! Non, appelle-les pas, ils sont en train de faire des affaires bizarres. Bon, alors, pour finir notre émission, nous voudrions vous dire qu'il y a un nouveau film qui va bientôt sortir, qui s'appelle Les Beach Girls, et c'est avec les acteurs de Beach Boys et Beach Boys. Ils nous ont jamais dit c'est quoi leur nom. Bon, alors, et on voudrait aussi vous annoncer qu'il y a un nouveau livre qui s'appelle Ta décision, une victoire, de Justin Marshall. Pourquoi t'arrêtes pas de... Raté notre émission! Parce que c'est pas rapport. Oui. Non. Qui s'appelle Ta décision, une victoire de J.C. Marshall. Et c'est un très bon livre que tout le monde devrait lire. Bon. Maintenant, nous voudrions avoir d'autres idées pour notre émission prochaine. Parce que celle-là était vraiment ratée. Alors, au mois prochain, tout le monde. C'était Pierre. Direct de la plage de Californie. Et je vous dis goodbye, everybody. Goodbye.